Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai encore une fois un des animateurs de cette émission cette semaine. L'autre, mon ami et collègue Marc Bouchard. Salut Marc. Salut, j'attends toujours de voir comment tu vas me présenter d'une semaine à l'autre. Je commence à trouver que tu te répètes un peu, il faudra que tu trouves des nouvelles façons de faire. OK, chasseur de Pokémon peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être, c'est tout à fait exact. OK, conducteur de char que je toucherai pas de ma vie. J'ai plein d'affaires, plein de qualificatifs. Je vais faire une liste puis je vais jouer un peu avec la liste de qualificatifs là, de choses comme ça là, parce que c'est vrai que ça sonne un peu répétitif, mais bon, qu'est-ce que ouais, tu veux dire? Effectivement, un petit effort là. Il y a pas 20 000 manières de te présenter. Mais chasseur de Pokémon, c'est tout à fait moi. Ouais. Mais ouais. À pied, en faisant attention à ce que je fais. Oui, hein. C'est la grosse manie présentement. Je sais que c'est un show de voiture, là, mais on est tous les deux un peu dans la technologie aussi. Puis le jeu est même pas sorti légalement au Canada. Puis tout le monde joue à ça encore. Fait que c'est là que tu t'aperçois que Nintendo aurait juste dû le sortir mondialement et ça aurait été tout. Ouais, ben en fait, le problème, c'est pas que c'est Nintendo qui peut pas sortir, c'est que les serveurs plantent même quand tu joues actuellement. Une fois sur deux, t'es pas capable de te loguer parce que les serveurs sont surutilisés. Ouais. Alors, ils ont vraiment connu un succès phénoménal. Mais la raison pour laquelle on en parle, en fait, ce matin, c'est un peu pour faire une blague en disant « Oui, c'est vrai, on joue au Pokémon. » Mais tu sais, mon principe dans la vie, c'est que si tu joues au Pokémon Go, c'est le fun. Si tu textes tes chums pour lui parler, c'est le fun. Si tu regardes ta blonde dans les yeux, c'est le fun. Mais si tu fais n'importe laquelle de ces trois affaires-là en conduisant, t'es juste cave. Ouais. le problème, en fait, c'est pas la technologie, c'est que c'est pas des trucs qui sont faits pour être faits quand on est au volant d'une voiture. Actuellement, les problèmes que l'on a avec Pokémon Go, c'est essentiellement ça. Ce sont des gens qui le font en conduisant, en étant absolument pas prudent. Et je pense que ça, c'est le genre d'affaires qu'on ne devrait pas tolérer, là. Non, c'est ça. Puis même si on a des lois au Québec, le nombre de personnes que je vois à parler au téléphone ou à texter en conduisant est encore effarant, là. C'est au minimum 2-3 par jour, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, t'empêcheras jamais, à moins d'annuler complètement le téléphone à l'intérieur de la voiture, t'empêcheras pas les gens de parler. Puis je pense que le système Bluetooth est une bonne chose. Mais entre parler au téléphone et texter, il y a vraiment une marge. Je te dirais que je suis un délinquant. Ça m'arrive de parler au téléphone avec le téléphone dans les mains parce que certaines connexions tiennent moins bien que d'autres. Mais en ce qui concerne les textos et ces affaires-là, là, regarde, ça, c'est impardonnable. Ouais, même, j'imagine, à un moment donné, il faudrait que les grandes compagnies de téléphone, ou j'imagine Google et Apple, là, parce que Google fait le système d'exploitation pour les téléphones Android, puis Apple, ben c'est leur propre patente, là, devrait faire que quand le téléphone détecte, parce qu'on a un GPS, on a des accéléromètres, le téléphone sait que tu es en train de bouger. Là. Il y a un GPS, toutes sortes d'affaires là-dedans, ou surtout que le téléphone détecte que tu avances à plus qu'une certaine vitesse, qui serait plus vite qu'une personne marche normalement, le système de texto devrait se désactiver. That's it. Effectivement. Et ça existe d'ailleurs. Il y a une application qui avait été faite par la Société d'assurance automobile du Québec. Oui. Que quand tu la démarres, automatiquement, il désactivait tes textos et il envoie automatiquement à ta place un message de réponse. En disant « je conduis présentement, je te recontacte avec toi », quelque chose comme ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, tu sais, les personnes qui aiment ça faire des textos en conduisant n'installeront juste pas cette application-là. Fait qu'il faudrait que ça soit fait. Tu sais, des fois, les gens sont pas capables de se prendre en main eux autres mêmes. Faut qu'on les prenne en main pour eux. Donc, ça serait une manière de le forcer dans le système d'exploitation du téléphone. T'as juste pas le choix. Mais bon, on verra si un jour ils vont décider de le faire. Des fois, ça pourrait peut-être sauver des vies. Écoutez moins cher de publicité. Mais tout ça pour dire que si vous jouez à Pokémon Go, pognez-les comme vous voulez, mais s'il vous plaît, pas en conduisant, c'est un minimum. C'est ça. Attrapez-les tous, mais pas en conduisant. Bon, Marc, t'as conduit quelque chose d'assez intéressant la semaine dernière. Quelque chose qui coûte, j'imagine, plus d'une fois ma maison. T'as été au volant de la Rolls-Royce Wraith, qui est une voiture qui est un coupé deux portes, qui est pas comme on est habitué, tu sais, les Rolls-Royce, la grosse voiture quatre portes où c'est un chauffeur qui nous conduit. Là, c'est vraiment une version plus sport d'une Rolls-Royce. Oui, au départ, c'est une version plus sport. Mais là, je suis obligé de te corriger tout de suite. 80% des propriétaires de Rolls-Royce conduisent eux-mêmes leur propre voiture. Bon, c'est le fun pour eux autres. Non, mais ça veut dire qu'on a tendance à penser qu'effectivement, ils ont un chauffeur, comme tu l'as mentionné. Ouais. Or, non, 80% des gens la conduisent eux-mêmes. Oh, dans le cas de la Wraith, Effectivement, c'est la version la plus sportive. Donc, c'est la coupée deux portes. Prix de base, écoute, 375 000 $ OK. quand même. C'est sûr que la mienne était équipée de certaines options en plus parce que ça, c'est l'autre affaire. Il y a un département là, qu'on appelle le département Bespoke, le département de personnalisation du véhicule. Et Ouais. on estime que 75 % des Rolls-Royce, au moins 75 %, on espère se rendre à plus, passent par ce département-là pour se faire personnaliser. Donc, à toute fin pratique, une Rolls-Royce de base qui n'est pas personnalisée de série, ça n'existe pas ou très peu. Ouais, puis deux Rolls-Royce identiques, c'est probablement impensable aussi, Ouais, exactement. là. N'empêche que c'était j'avais déjà conduit des Rolls-Royce. J'avais conduit la Ghost, j'avais conduit la Phantom, mais je les avais conduits pour des très courtes périodes, c'est-à-dire un après-midi ou une couple d'heures ici et là. Dans le cas de la Wraith, je l'ai eu pour le week-end. Donc, j'ai vraiment passé 3 jours au volant de ce véhicule-là. Et honnêtement, c'est extrêmement intéressant. Intéressant du point de vue mécanique, évidemment, là. On s'entend pour dire que c'est pas une petite affaire. C'est un V12, quand même, en partant. 6,6 litres, 624 chevaux, 590 livres-pieds de couple. C'est quand même assez intéressant. Ouais. Évidemment, c'est un V12 turbo compressé, t'auras compris, là. Ouais. Jumelé à une boîte automatique 8 rapports dans un véhicule à propulsion qui pèse la petite bagatelle de 5 379 livres, c'est-à-dire 2 440 kilos. Ça commence à être pesant. Ça commence à être pesant, mais crois-le ou non, ça fait le 0-100 en 4,6 secondes. Ouais, OK. C'est absolument phénoménal. C'est vraiment une accélération qui est foudroyante. Tu sais, c'est comme si tu accélérais un bateau de croisière 0-100, là. Ça Bon, n'a aucun sens. Mais ce côté-là, honnêtement, tu en viens rapidement à l'oublier. ouais. C'est pas l'affaire qui retient le plus ton attention. Ce qui retient le plus l'attention, c'est l'atmosphère, c'est la façon de conduire, c'est la façon de te sentir à l'intérieur de la voiture. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est une Rolls-Royce avec tout ce que ça implique comme qualité de finition. OK. Alors, quand on parle de qualité de finition avec une Rolls-Royce, ça va dans des détails, Luc, que tu ne peux même pas t'imaginer. La qualité du tapis, par exemple, qui est dans la partie avant, elle est absolument incroyable. Écoute, j'avais envie de conduire nu-pied. C'est pas compliqué. Juste te passer les orteils dans le tapis. Ah, c'est frais. Mais écoute, en fait, les passagers l'ont tous fait, hein. OK. Ils ont tous enlevé leurs souliers pour tester le tapis. C'est vraiment, tu sais, un beau tapis shag, là. Mais sérieux, c'est un beau tapis de grande qualité. Au point où quand tu accotes ton talon, tu sens ton talon qui rentre entre les fibres, là. OK. C'est absolument incroyable. Mais ça, c'est une partie. Parce qu'évidemment, tu auras compris que tout le cuir à l'intérieur, toute la qualité de finition est incroyable. Les surpiqûres sont géniales. Tout est parfait. Tout est très beau. Et il y a des options qui me font absolument triper. La Okay. première, bien sûr, c'est tu connais le Spirit of Ecstasy, qui est l'espèce de petite madame avec les ailes en avant, là. Ouais. Ben, la Spirit of Ecstasy, c'est normalement argent et elle est éclairée un peu par en dessous. Donc, le soir, c'est de toute beauté. Mais tu pourrais l'avoir en cristal Manqué okay. Pour la modique pour somme l'amour de. de 10 000 $. OK. Ouais, mais rendu à 300 000, 10 000, c'est quoi? Donc, 400 000, on parle de 375 000 quand même. Ouais, OK, c'est ça. C'est sûr, Rendu mais là. c'est quand même spécial. Ouais. Les portes de la Wraith, d'abord, la Wraith, il faut savoir que c'est un magnifique coupé. Elle est très, très belle. Elle est de grandes, grandes, grandes dimensions, là. T'sais, on ne parle pas d'une petite affaire, là. On parle d'une affaire qui fait 5,2 mètres à peu près de longueur. Ouais, c'est le fun de faire des stationnements parallèles. Ouais, c'est ça. C'est à 2 mètres de largeur ou à peu près, là. Puis ça a 60 pouces, donc 1,5 mètres de hauteur à peu près. OK. C'est vraiment fabuleux là, comme dimension. C'est beau, c'est racé, mais ça n'a pas le cachet des grosses Rolls-Royce, des Phantom, par exemple, où tu avais vraiment l'impression que tu étais pour voir le monsieur aristocrate sortir avec son petit monocle. Non, ça, puis ça Ça canne. Ouais. n'a pas ce feeling-là. C'est vraiment davantage une voiture que tu vois, que tu apprécies, que tu trouves magnifique, mais qui, pour le moment, attire moins l'attention que ces gros véhicules-là. OK. Mais à l'intérieur, comme je te dis, les portes, c'est des portes suicides, donc qui ouvrent à l'envers. Elles sont gigantesques. Tu as besoin quasiment de deux espaces de stationnement. Porte suicide qui veut dire quand la première fois que tu vois le montant passer dans ton compte de banque, c'est ton paiement mensuel, c'est ce que tu as le goût de Ouais, faire. c'est un peu ça, mais quand même. Et évidemment, parce que ce sont de très grandes portes assez lourdes, mais quand tu es assis à l'intérieur, tu as juste un petit bouton à peser et les portières se ferment d'elles-mêmes. OK, ouais, parce En que, tu partant. sais, À c'est ça. l'intérieur, quand les portes sont ouvertes dans le panneau latéral, si tu veux, il y a un petit bouton, tu appuies dessus et il sort un parapluie. Non, mais bien sûr, ouais, non. Parapluie qui est recouvert de Teflon et qui, évidemment, ne pourrira pas, le cas échéant. OK. Ensuite de ça, il y avait sur mon véhicule une option qui s'appelle le ciel étoilé. Le ciel étoilé, c'est qu'au plafond, on a intégré des lumières d'ailes qui recréent une constellation. Ouais, ça, je l'avais Alors, entendu parler. Ouais. t'as pas de toit ouvrant, mais t'as ça. Écoute, moi, je trouvais que c'était une bébelle, c'était un gadget. Quand j'ai roulé le soir avec ça, c'est absolument incroyable comme feeling. T'as vraiment l'impression de rouler à toit ouvert. Tu t'es dit, ça Alors, prend ça dans ma Corolla, non? ouais, genre, Ouais. sauf que ça aussi, c'est une option de 8 000 $. Oh. Exactement. Alors, sauf que tout ça mis bout à bout, ça fait une atmosphère dans cette voiture-là qui est absolument spectaculaire. Ouais. C'est sûr que les accélérations sont incroyables. C'est sûr que le silence de roulement est fou, là. Je veux dire, tu fais des accélérations, puis tu te demandes si tu roules 50, là, tellement c'est silencieux. Tu t'en rends compte quand tu tournes, parce que oui, il y a évidemment un transfert de masse important. On peut s'y attendre, là, pour un véhicule de ce poids-là, c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même absolument, en tout cas pour moi, absolument spectaculaire comme ensemble. Est-ce que j'achèterais ça? Écoute, je sais pas, j'ai pas ces moyens-là, puis honnêtement, je me pose même pas la question. Mais je suis pas, comment je pourrais dire, si tu aimes conduire, c'est probablement pas le genre de voiture que tu vas aller t'acheter. T'as Je te trop de dirais que bébelles, t'as trop la comme, non? Bentley, qui est sa principale concurrente, est peut-être un peu plus agréable à conduire en termes de plaisir comme tel. Ça, c'est quoi le Continental qui serait, Bentley Continental qui serait Ouais, sa rivale? effectivement, dans le cas. Ouais, Ouais. Qui est un peu plus sportive dans le comportement. ouais. Mais en termes d'atmosphère, en termes de feeling, c'est vraiment quelque chose d'absolument unique. Honnêtement, j'ai fait faire des tours à bien du monde, là, tu t'en doutes, là. Et tout le monde sortait de là avec une espèce de sourire béat. C'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie. Honnêtement, j'ai adoré ça. J'espère avoir l'occasion de recommencer, bien entendu, mais je dois le dire, c'est une voiture qui a un comportement routier absolument incroyable. Oui, c'est lourd en virage, comme je te dis, c'est pas fait pour la conduite dynamique, mais pour le reste, c'est foncièrement agréable. C'est une belle réussite. Juste comme ça, est-ce que après cette semaine, tu connais le nom de ton pompiste par cœur? Pas Parce du que tout. non? Pas du tout. En fait, à ma grande surprise même, ce n'est pas si gourmand que ça. Tu vois, j'ai fait 350 km à peu près avec la moitié d'un réservoir. Un réservoir étant bon, donc on s'entend pour 550, 550 km. C'est un réservoir de 80 litres. OK, ouais. Mais évidemment, ça marche au super. Tu sais, mettons là, que j'ai réussi une moyenne d'à peu près 15 litres au 100, mais que j'ai rien ménagé comme effort. OK. Ouais, Si tu lis entre les lignes, ça veut dire que j'ai accéléré plus souvent qu'à mon tour. OK. Mais c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire pour un Non. V12, ça donne. Honnêtement, écoute, si tu vas sur autoroute, là, que tu le laisses aller, et ça, c'est l'autre particularité dont je t'ai pas parlé, il y a une transmission électronique. Qu'est-ce que c'est qu'une transmission électronique? C'est que, oui, bien sûr, c'est une transmission automatique 8 rapports, ça va, mais elle entre en communication avec ton GPS OK. quand tu roules plus de 90 secondes en haut de 70 km/h, et elle va déterminer d'avance le bon régime et la bonne vitesse à être pour la route qui s'en vient. Donc, s'il y a des courbes, s'il y a des bosses, s'il y a tout ce que tu veux, c'est la transmission elle-même qui va se marier au GPS pour déterminer à quel endroit doit être. OK, transmission hyper intelligente. Ouais, c'est ça. Ben, au moins, ça faisait quelqu'un d'intelligent dans l'auto. Mais, Je l'ai pas dit. non, mais je sais que tu l'as pensé, je t'ai entendu penser jusqu'ici. OK. Alors, c'est donc vraiment un modèle assez exceptionnel. C'est une atmosphère de fou. C'est particulier. J'ai adoré l'expérience. Que je m'en achèterais une. Ça dépend si tu me prêtes l'argent sans intérêt, et même à ça, j'ai pas les moyens, mais c'est quand même super agréable. Ouais, faudrait que je vende ma maison pour être capable de t'emprunter pour que tu puisses te payer la moitié de l'auto. Fait que. En fait, moi, j'ai approché ma voisine, qu'elle et sa famille, et moi et ma famille, on vend nos maisons, qu'on s'en achète une, puis qu'on reste dedans, mais ça n'a pas l'air que ça a marché. N'y a pas l'option douche, non? Non, non, pas Ça prend au vraiment. Par moins une contre, douche ou un bain, tu sais. probablement que dans le coffre, tu pourrais rentrer un bain en faisant un petit effort, mais pour le reste, non, pas vraiment. OK, c'est bon. Donc c'est beau, Marc, on va terminer là-dessus. On va faire une petite pause pour revenir avec nos essais de la semaine. Alors nous sommes de retour et là, Marc, tu sentiras la jalousie et peut-être un peu le dégoût dans ma voix parce que tu as conduit mon char de rêve, voiture qui malheureusement n'est pas accessible pour le petit journaliste que je suis. Mais toi, tu es au volant depuis une semaine. Puis ça fait, tu sais, je suis ami avec d'autres journalistes automobiles sur Facebook et je les vois chacun leur tour conduire cette voiture-là. Tu es au volant de la Mustang Shelby GT350. C'est comment? Écoute, c'est une voiture qui est faite pour les gens comme toi. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est faite pour les puristes de Mustang, qui apprécient ce genre de conduite-là, qui apprécie vraiment le summum du muscle car. Ben. Et c'est vraiment là-dessus que l'on est parce que c'est, comment je pourrais dire, c'est exactement ça qu'on a voulu créer avec ce véhicule-là. C'est la meilleure Shelby jamais construite, c'est clair, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un châssis rigide, elle est extrêmement performante. Mais pour moi, qui ne suis pas tant que ça un maniaque de Mustang, oui, j'aime les Mustang, mais pas à ce point, je trouve que c'est peut-être un peu trop extrême pour moi. OK. Même si on a vraiment, dans la GT350, tout prévu pour la rendre le plus confortable possible. Là. OK, ouais, au ouais. départ, c'est sûr, on se ramasse avec un V8 5.2 litres, 526 chevaux, 429 livres-pieds de couple. D'ailleurs, pour ton information, j'ai placé la voiture hier sur un dynamomètre. OK. Je suis allé chez SDP Autosport à Saint-Étienne-des-Grès, au nord de Trois-Rivières. C'est un endroit que je connaissais pas du tout. Et c'est un garage, ils sont absolument incroyables. Les gars sont fous raides. Ils sont en train de monter des voitures de course. Ils en ont monté quelques-unes. Et ils étaient très heureux de mettre la GT350 sur le dynamomètre. Je peux te dire que aux roues, elle a quand même 452 chevaux et 388 livres-pieds de couple. Comment c'est C'est-à-dire popé? qu'il y a, c'est excellent parce que ça veut dire qu'il y a une perte à peu près de 15% entre ce que Ford nous dit et la réalité. C'est exceptionnel parce que la moyenne, c'est 20 à 22%. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à alléger beaucoup de composantes. Ils ont diminué la friction. Ils ont utilisé un vilebrequin à plat, notamment, ce qui permet de faciliter le transfert de la puissance du moteur aux roues. Donc, tu as beaucoup moins de pertes. Alors, pour les vrais puristes, c'est exactement le genre de véhicule qu'il faut. Ce genre de véhicule où tu ne perds pas ce pour quoi ça a été construit. Okay. Ça vient avec une boîte manuelle Tremtec 6 rapports qui est extrêmement précise, évidemment, qui est très agréable. Ça vient avec toutes sortes de réglages. Tu peux la mettre en mode confort, tu peux la mettre en mode sport, en mode piste, évidemment, où là, on désactive la totalité des systèmes ou à peu près. C'est sûr que tu sais, c'est une voiture qui peut être une bête de performance absolument incroyable. Au quotidien, c'est une voiture qui demande un peu d'adaptation, parce qu'évidemment, je le sais, je le répète, j'ai perdu ma taille de jeune fille, ça fait longtemps. Ouais, mais les sièges Recaro sont un peu serrés. Exactement. Les sièges Recaro donnent un très, très bon support, mais mettons qu'il faut que je me rentre dedans un peu comme une ventouse, là. OK. Ouais. Mais une fois ça fait, c'est quand même une voiture qui est relativement confortable. Si tu la mets en mode confort, en mode normal, tu peux jouer avec la direction, tu peux jouer avec les suspensions, tu peux tout adapter les modes pour ça. La seule mode que j'ai mis en mode sport en permanence, c'est le mode de l'échappement. Pourquoi? Ouais. Parce que, évidemment, il change la sonorité du moteur. Et ça te fait un ronron qui est absolument spectaculaire. Ouais, j'imagine. Écoute, ça faisait tourner les têtes littéralement, là. C'est vraiment, vraiment particulier. Évidemment, c'est une bête de puissance. Évidemment, ça a des accélérations incroyables. Et ça va quand même relativement bien. C'est-à-dire que c'est relativement facile à contrôler, à diriger, sans faire trop de compromis. Mais ça demeure une bête qui est faite essentiellement pour la puissance. Et ça ne serait pas nécessairement mon premier choix chez Mustang, si je voulais m'en acheter une pour tous les jours, évidemment. Okay. Mais au-delà de ça, écoute, oui, tu sais, le reste, c'est une Mustang. Là. On le sait, la nouvelle Mustang, ils l'ont tellement bien aménagée. Elle est bien faite, bien sûr, elle est dotée de tous les systèmes. T'sais, le Sync 3, t'sais, tout est là, là. Tout est là pour faire de cette voiture-là une voiture confortable. Ouais. C'est une auto qui... Écoute, mon fils s'est assis avec moi, il n'était pas du tout inconfortable, bien au contraire, même s'il fait 6 pieds 2. Assis en t'sais, avant, j'imagine. Oui, oui, assis en avant. En arrière, ben, tu sais ce que c'est l'espace de la Mustang. Ouais. Quoique c'est quand même surprenant, pour être honnête. Là. Oui, c'est pas pire pour des enfants, là, des adultes. Même un court voyage avec des adultes, c'est pas si pire. Là. C'est quand même vivable. C'est mais, ça. Mais c'est simple. Non, non, c'est sûr que c'est pas fait pour ça. Et dans le cas de la Shelby, c'est encore pire. Ouais. Comme je te dis, ce qui est vraiment particulier, c'est ce côté très... c'est très compromis qu'on peut faire en l'adaptant comme il faut, mais aussitôt qu'on a envie d'un peu de plus, un peu plus de puissance et de torque, ben là, il suffit de l'adapter en conséquence. Alors ouais. Oui, c'est une excellente voiture. C'est vraiment une spectaculaire Mustang. C'est quelque chose qui est réservé aux puristes et je comprends pourquoi. Et je n'ai que de bons mots pour ce véhicule-là, honnêtement. J'aurais aimé l'essayer sur la piste, ce que j'ai pas l'occasion de faire, ouais. Mais quand même, je peux te dire que déjà sur la route, c'est assez spectaculaire et tout le monde s'entend à le dire là, que c'est la meilleure de toutes les de toutes les Mustangs. Meilleur de toutes Quand les même, Shelby ou meilleur de toutes les Mustangs? Parce que de toutes les Shelby beaucoup de aussi. gens disent que la Boss 302 qui est sortie en 2013-2014 était la meilleure Mustang. Ben, tu vois, la plupart des gens disent que la Shelby GT350 a surpassé la Boss 302. OK. Mais, tu sais, comme je te dis, encore une fois, on est rendu vraiment dans des particularités excessivement techniques. C'est petit, c'est pas... Je peux dire, pas le commun des mortels qui va s'en rendre compte, là. OK, c'est bon, c'est bon. Mais c'est vraiment une voiture qui a un pedigree de course automobile, là. Elle a un historique de course automobile et je comprends pourquoi et on le ressent. C'est agréable, comme je te dis, c'est le fun, mais moi, honnêtement, j'irai pas jusqu'à cette extrémité-là. Je me contenterai des autres. Pour le reste, écoute, il y a peu de défauts. Il y a vraiment peu de défauts. C'est rare que je me retrouve sans mots, là, mais il y a vraiment peu de défauts à la Mustang Shelby. Ils ont travaillé fort. Mais même la Mustang GT, celle avec le moteur 5 litres, c'est une voiture qui est excessivement stable et amusante à conduire, là. Effectivement. Et c'est sûr que la Shelby, t'as plus de puissance et t'as vraiment une atmosphère qui est plus proche de la voiture de course, mais en même temps, c'est pas, comme je te dis, c'est un peu excessif pour moi, là. C'est pas utilisable sur nos routes de toute façon. Fait que oui, je peux comprendre, c'est pour le puriste, le collectionneur, le gars qui veut quelque chose, une Mustang qui sort du lot. Puis peut-être quelqu'un qui veut faire de la piste aussi de temps en temps. Oui, parce que ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'on a doté la voiture de beaux pneus, larges et tout. Mais s'il y a deux cheveux collés sur la route, on les sent, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, et faut vraiment travailler et tenir la voiture à deux mains en permanence parce qu'on se retrouve vraiment, la voiture va d'un bord à l'autre, elle valse d'un bord à l'autre en permanence, elle suit tous les moindres défauts de la chaussée et je pense que c'est prévu pour ça aussi parce que c'est des pneus 305 de large en arrière, là. Ouais. Ça commence à être des chaussettes pas mal larges à chaussée, justement. Et Dieu sait qu'au Québec, nos routes, c'est ça. Exactement. Nous n'allons pas plus loin. Non. Ouais, mais tu t'es quand même gâté un peu toi aussi cette semaine, par exemple. Oui, ça a été moins que toi, mais j'ai quand même conduit quelque chose d'assez exceptionnel. Je suis un grand fan de la Volkswagen Golf GTI. Les gens doivent le savoir parce que ça fait une couple de fois que j'en parle et que je l'essaie. J'ai eu la chance d'essayer la Volkswagen Golf R. Donc, c'est quoi la Golf R? Ben, c'est une petite coche au-dessus d'une Golf GTI. On parle d'un moteur, d'une voiture qui a un moteur 4 cylindres turbo de 2 litres qui produit 292 chevaux, 280 livres-pieds de couple. Tout ça, c'est envoyé aux roues soit avec une transmission manuelle à 6 vitesses, ce que j'avais dans ma voiture d'essai, ou une transmission à 6 vitesses DSG, donc voiture, transmission automatique. La le gros avantage de cette voiture-là, c'est que c'est une traction intégrale, donc c'est la fameuse traction intégrale 4Motion de Volkswagen. Ce que ça fait, ben ça fait des accélérations qui sont assez franchement incroyables. Peut-être pas au point de ta GT350, mais on parle aussi d'une voiture qui est beaucoup plus légère que ta GT350. Ben oui. C'est une voiture qui est extrêmement agréable à conduire. Un peu comme tu as fait avec la GT350, j'ai mis la voiture en mode course, en mode race tout le long parce que quand on la met en mode course, ça change le son de l'échappement et oh mon Dieu! C'est peut-être pas un V8, mais le son qui sort de ça est quand même une mélodie pour les oreilles. C'est vraiment intéressant. Et c'est une voiture que, même si tu n'as pas l'intention de dépasser les limites de vitesse, tu vas le faire de temps en temps, jusqu'à temps que tu connaisses les limites de la voiture, que tu connaisses la vitesse d'accélération et tout ça, que tu connaisses un peu ta voiture. Parce que tu regardes le cadran, là, puis tu l'as sûrement remarqué parce que tu l'as eu toi aussi, la Golf R. Tu regardes le cadran, puis entre le 120 puis le 160, t'as à peu près un pouce de distance. C'est vraiment... puis c'est pas long se rendre là. Je me suis rendu une fois par erreur parce que je regardais pas le cadran. Puis après ça, j'ai changé pour que l'affichage au centre soit la vitesse pour être certain que je dépasse pas. Parce que c'est extrêmement facile de se rendre à 100. C'est pas même plus difficile de se rendre à 120. Puis c'est un peu trop facile de se rendre à 160. Fait que cette voiture-là, c'est zéro à plus de permis de conduire en très, très rapide. C'est vraiment ouais, pas long. C'est fait pour ça, là. C'est vraiment une voiture qui est faite pour la performance, là. Ou la performance, la piste. Si vous cherchez une Volkswagen qui va être, tu sais, une Golf qui va être amusante à conduire à l'année, parce qu'avec la traction intégrale, même l'hiver, vous allez avoir du plaisir avec ça. Vous voulez aller faire un peu de piste, vous voulez avoir quelque chose qui a du punch. La Golf R, c'est vraiment une voiture qui est merveilleuse, là. L'intérieur, ben, c'est une Golf GTI. Je veux dire, on a les mêmes équipements. On a rajouté les équipements de sécurité pour 2016. Les dernières GTI que j'avais essayées, il n'y avait pas de détection de changement de voie, puis de voiture qui te ramène dans ta voie, des choses comme ça. On a ça présentement dans les nouvelles Golf. La Golf R, là, c'est une option. Il n'y a pas de grande option sur une Golf R. Hein. Vous achetez la voiture de base, elle est quand même très, très équipée. Ce que vous avez le choix d'acheter, c'est finalement la transmission automatique que vous pouvez choisir comme option. Puis pour 2000, c'est pour 1 400 $ de plus. Non, 2 015 $ de plus, vous avez l'ensemble technologie qui vous ajoute les aides à la conduite et des choses comme ça. Le GPS. Pour préciser, juste pendant que tu es là, la boîte automatique, elle est absolument spectaculaire sur cette voiture-là. Oh, oui, oui. Elle est plus rapide, en fait, sur piste avec une boîte automatique qu'avec une boîte manuelle. Ah, c'est clair. Là. Les boîtes double embrayage de Volkswagen sont excellentes. Certains disent que quand il faut faire l'entretien, on est mieux d'avoir les poches profondes, par exemple. Ça a l'air que ça coûte un peu cher d'entretien, mais comme boîte automatique, c'est exceptionnel. Là. Que ce soit dans une GTI ou dans la Golf R. Mais moi, dans ma R, j'avais la transmission manuelle. Je suis quand même pas si pire sur les changements de vitesse. Il y a beaucoup mieux, là, mais je suis quand même pas si pire c'est sur les accélérations. Donc, ça a quand même très bien été. Comme je vous disais, les accélérations sont assez fulgurantes. Fait qu'il faut faire attention. L'intérieur bien fini. On remarque que c'est une Golf R, surtout parce qu'il y a des petits logos R un peu partout, là, sur la grille en avant, sur les ailes, puis sur le coffre arrière. Pour le reste, il faut avoir l'œil un petit peu affûté. Il faut connaître un peu les Volkswagen, les Golf, pour remarquer que c'est une R juste quand elle passe de loin et on voit pas nécessairement les logos. Là, on pourrait juste dire que c'est une GTI ou quelque chose comme ça. Mais c'est une voiture qui est un peu ce qu'on appelle un sleeper. Tu t'aperçois pas que c'est si puissant que ça. C'est drôle parce que on dit que c'est une voiture qui est quand même assez rare. Puis j'en ai croisé une bleue exactement comme celle que j'avais un matin en allant au gym. J'en ai croisé une rouge, j'en ai croisé une blanche. Fait qu'il y en a quand même pas mal sur la route, même s'ils sont disponibles en quantité limitée. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est toujours le syndrome de quand on conduit une voiture, on les remarque plus aussi. Là. Oui, peut-être. C'est certain. Là. J'ai déjà conduit un Aztec puis j'en croisais partout. Là. Ouais. Quoique les Golf R, j'en croise quand même de temps en temps. Il y en a une qui reste dans mon coin, là, fait qu'une bleue aussi, fait que je la croise quand même souvent. J'en ai juste croisé plus, je pense que c'est la semaine d'après que je l'ai eu. C'est une R. Puis, normalement, tu vas t'attendre à ce que les gens l'achètent bleu. Souvent, la Golf R va être le bleu Golf R. Fait que tu vas voir un bleu, tu dis, ah, mais tu sais, c'est une Golf R. Là, je n'ai vu une rouge l'autre jour, je dis, ah, une GTI. Ah, ben non, c'est une R, parce que tu vois le petit logo. Là. Fait qu'il y a des gens. Ouais, moi, quand je l'avais eu, j'avais essayé la rouge aussi. Là. OK, c'est bon. Côté consommation d'essence, c'est quand même pas si pire. J'ai fini avec 7,5 litres au 100 km et j'ai fait zéro attention. Là. Ça a beaucoup joué. Par bout, j'étais à 10,5 litres au 100 km. J'ai descendu à 6,9, mais j'ai fini ma semaine à 7,5. Puis j'ai pas. Mon but, c'était d'avoir du plaisir. C'était pas nécessairement de faire attention à ma consommation d'essence dans cette semaine-là. Donc, non, c'est vraiment une excellente voiture. Le seul hic, c'est un, sa disponibilité. Et deux, son prix. Parce que de base, une Golf, là, on parle aux alentours de 40 000 $. Ça, c'est pour la voiture manuelle de base. Si on va avec une transmission automatique, ben, on rajoute 1 400 $. Puis si on va avec l'option technologie, on rajoute 2 015 $. Donc, la facture monte assez rapidement. Vous pouvez vous ramasser avec une Golf à 45 000 $ assez vite. Mais c'est une excellente voiture. Elle est jolie. L'intérieur, super. Tu sais, c'est super bien fini. On est bien là, au volant de cette voiture-là. C'est réactif. C'est vraiment comme une des voitures ultimes. Là. C'est vraiment la Golf qu'il faut avoir conduit si on aime un peu la conduite sportive et si on apprécie la conduite allemande. Là, c'est vraiment ça qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie. Exactement. Mais tu es au volant de la Golf R et tu dis si Volkswagen déciderait de sortir juste une GTI avec un rouage intégral, ça serait vraiment déjà incroyable. Là. Ça, c'est beaucoup de puissance. Le son du moteur, c'est juste vraiment, vraiment intéressant. Si vous avez les moyens, je vous la conseille fortement. Ouais, mais toi, t'es un peu vendu d'avance. Ouais, je suis un petit peu vendu d'avance. Écoute, on va faire une pause, mon cher. Si tu permets, au retour de la pause, on revient avec notre invité pour parler d'assurance. Puis on va revenir à la toute fin de l'émission pour faire quelques nouvelles sur le monde de l'automobile. Alors, nous sommes de retour. C'est maintenant l'heure d'aller rejoindre Benoît Campeau, notre spécialiste en assurance, qui va nous parler Aujourd'hui, de quoi faire si on est pris au volant en train de jouer à Pokémon Go? Non, c'est pas ça pantoute. Ça a l'air d'être une folie présentement, là. Je sais pas ce qui prend au monde de jouer à ce jeu-là. J'imagine qu'il faudrait que je l'essaye, puis après ça, j'aurai plus de vie. Donc, si le podcast arrête d'ici quelques semaines, vous saurez pourquoi. C'est parce que je vais commencer à jouer à Pokémon Go. Mais Benoît, premièrement, salut. Salut Luc. Et tu veux nous parler vraiment là, de quoi faire si on est victime d'un délit de fuite ce soir? Oui, absolument. Je me rends compte en discutant avec quelques-uns de mes clients et même les gens au quotidien que le délit de fuite demeure un peu un mystère pour tout le monde. Je me suis dit que ce serait peut-être une belle opportunité de vous en jaser un peu ce soir. Bon, on sait pas trop comment réagir, hein. C'est un peu comme se faire défoncer à la maison. C'est comme t'arrives, ta maison s'est faite, tu sais, tu t'es fait voler à la maison, les vitres sont défoncées, tout ça. C'est quoi que je fais? Pogner la personne sur le fait, c'est une chose, mais arriver après est faite, c'est comme un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La première chose à faire, c'est de tenter de voir si on n'a pas une note, ça paraît aussi banal que ça, une note sur le véhicule nous disant ben, je suis désolé, j'ai accroché votre véhicule. Ce que je te dis là peut paraître drôle, mais j'ai déjà un de mes clients qui s'en est rendu compte 2 jours plus tard, après avoir fait toutes les démarches, que la personne avait laissé ses coordonnées, sauf qu'elle l'avait laissé du côté passager, puis elle n'a jamais regardé. Ah, puis c'est quand même bon que la feuille soit restée là, parce que Oui, effectivement. bien collée, au moins. Exactement. C'est bon. Mais bon, dans les principes, à la base, la première chose à faire, c'est de communiquer avec le corps policier le plus près de l'événement où c'est produit. Donc, aussitôt qu'on se rend compte que le véhicule a été endommagé, si on a déplacé le véhicule, ben, à ce moment-là, il faut se rendre au corps de police le plus près d'où on se trouve actuellement, OK. puis faire la déclaration. Si on est encore sur les lieux, à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire le 911. Puis bien entendu, de mentionner au centre d'appel que ce n'est pas une urgence, mais c'est vraiment pour un délit de fuite. Et les policiers vont vous indiquer soit d'attendre sur les lieux pour qu'ils puissent venir prendre la déclaration, ou ils vont vous indiquer à l'endroit à laquelle vous présentez pour faire votre déclaration. OK. C'est bon. Donc, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que vous vous rendez soit au poste de police le plus proche où ils viennent vous voir. Vous déclarez exactement ce qui s'est produit. Ça ne sert à rien d'essayer de changer les histoires ou le fait que vous soyez mal stationné ou non, ça n'a rien à voir avec le dénouement de la réclamation si on finit par en avoir une. OK, ouais. Donc, une fois que ça c'est fait, la première chose qu'on devrait toujours faire lors de sinistre, c'est d'établir le montant des dommages. Première des choses, c'est de voir est-ce que ça vaut la peine de réclamer pour ça. Bien entendu, quand on dit délit de fuite, par défaut, on est non responsable, on n'est pas dans le véhicule. OK, c'est bon. Par contre, il y a certains assureurs qui vont quand même exiger une franchise en retour. Mais tu parles d'élite de fuite, on n'est pas nécessairement dans l'auto, mais si quelqu'un me rentre dedans, mettons, sur l'autoroute, puis comme ça m'est déjà arrivé, une jeune demoiselle me rentre dans le derrière, moi je m'attarde sur le côté et elle continue son chemin, c'est-tu calculé comme un délit de fuite? Oui, tout à fait, tu as OK, raison. donc tu peux être dans l'auto quand même. OK, c'est Oui, bon. absolument, c'est un bon point que tu apportes là. OK, c'est bon, mais t'es pris dans le même problème, la personne n'est pas là pour jaser avec, là. Exactement. Le fondement du délit de fuite, c'est que le tiers n'est pas identifié. C'est ça, c'est bon. Ça s'arrête là. Okay. Donc, une fois que la déclaration est faite, on constate le montant des dommages. Si les dommages sont suffisants, sont assez élevés pour qu'on fasse une réclamation, bien, il faut déclarer à l'assureur dès que possible l'incident, okay? Parce que ça demeure, première des choses, un acte criminel. Puis quand c'est un acte criminel, il faut le déclarer à l'assureur dès qu'on a conscience de l'événement. C'est bon. Okay? Donc, ce n'est pas grave si le véhicule était stationné au même endroit depuis 3 jours, puis vous en rendez compte au troisième jour parce que vous venez de voir le véhicule. Ça, ce n'est pas grave. Vous en prenez connaissance, donc vous communiquez automatiquement avec l'assureur. Ce qui est important de savoir, c'est que le délit de fuite, quand le tiers n'est pas identifié, va être couvert par vos assureurs uniquement si vous avez la protection collision. Donc, sur votre contrat d'assurance, vous allez voir le chapitre B1 ou B2. OK. Ce qu'on appelle communément être assuré des deux bords. Oui, exactement. C'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas assuré en collision, okay, parce que le délit de fuite va toujours être payable sur le chapitre collision, si vous n'êtes pas assuré en collision, à ce moment-là, il y a un fonds d'indemnisation qui existe auprès de la SAAQ OK. pour les gens qui sont victimes de délit de fuite. Mais j'imagine que ça complique le processus un petit peu, par exemple. Oui, bien sûr, bien OK. sûr. Par contre, on n'est pas laissé à nous-mêmes par rapport aux dommages. OK. Donc, le concept avec la SAAQ, c'est que justement, encore là, le rapport de police est toujours obligatoire. On communique avec la SAAQ, puis on leur dit qu'on a été victime de délit de fuite. normalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous prendre charge, ils vont prendre charge de vos dommages, ils vont vous envoyer un atelier de carrosserie pour faire une estimation des dommages. Et il y a une franchise qui va s'appliquer qui est normalement de 500 $, Même. 500 $ ou 10% 10% de la valeur du véhicule. Il faut faire OK. attention à ça. OK. Okay? Donc, si on a un véhicule qui vaut 10 000 $, bien, la franchise va être 2 000. Ouais. Okay? Mais il y a quand même une solution pour les gens qui sont victimes de délit de fuite sans avoir de couverture pour les dommages causés à leur véhicule. C'est là que c'est important de savoir si ça vaut la peine, parce que si ton déductible est 1 000 puis ça coûte 1 000 $ de réparation, ben là, tu le fais réparer toi-même, c'est tout. Il faut vraiment que ce soit au-dessus, puis même peut-être encore plus que le déductible. Il faudrait que peut-être à 1 500 ou plus, ça vaut peut-être la peine, je sais pas, Ça, Luc, là. honnêtement, ça dépend de la capacité T'sais. financière de chacun. Ouais, c'est ça, t'sais, mais. T'sais, toi puis moi, ou spécialement toi, on serait peut-être capable d'absorber une charge de 10 000 $, 15 000 $, mais bon. Oui, c'est ça. J'aimerais bien. Non, mais sans blague, ça dépend de la capacité financière de tout le monde. C'est pour ça que j'aime pas m'avancer, dire réclame. C'est sûr que si on a une franchise à 1 000, les dommages sont de 1 100. C'est bien entendu qu'on réclame pas pour ça. C'est ça. En plus, ça doit affecter ton dossier d'assurance en plus, j'imagine. Tandis que si tu le payes directement de ta poche, faut-tu te déclarer si c'est pas. Mettons que si c'est pas, là je sais, c'est peut-être un terrain glissant. Si c'est pas si c'est une réparation que tu payes toi-même de ta poche, est-ce qu'il faut que tu le déclares quand même à ton assureur? C'est sûr que là, c'est un délit de fuite, ça s'applique. Je veux dire, ta franchise devrait pas augmenter. Ou Écoute, tu as mentionné le mot terrain glissant. Ouais. Écoute, normalement, on devrait toujours tout déclarer à l'assureur. Ouais, c'est clair. C'est ce que je peux m'avancer à dire. Par contre, si vous êtes victime d'un délit de fuite alors que vous êtes déjà assuré, puis vous décidez de ne pas réclamer, puis vous ne connaissez pas la tierce partie, bon, parlez-en renouvellement à la limite. OK. C'est tout ce qui peut arriver. Puis bien entendu, si vous changez d'assureur, ben oui, il faudra le déclarer, même si ce n'est pas mentionné nulle part. Ça sera à votre courtier ou à votre assureur de voir si ça vaut la peine ou non d'appliquer une majoration qui irait en ligne de compte avec ça. OK, c'est bon. OK? Donc, à partir de là, c'est simple, on contacte les policiers, on évalue les dommages et on communique soit avec l'assureur ou avec la SAC. Puis, à partir de là, bien, ça va suivre son cours comme une réclamation normale. Donc, on va aller voir le carrossier, l'évaluation des dommages officiels va être faite, le véhicule va être réparé. Fait qu'en gros, un délit de fuite, c'est pas plus compliqué, c'est péjoratif, là, mais c'est quand même pas mystérieux, c'est un processus qui est simple. Il faut juste pas s'affoler quand ça se produit. La première chose qu'il faut faire, c'est de le déclarer. OK. Puis peu importe, on est couvert. Fait que c'est sûr que c'est plate, la personne se sauve. Personne ne devrait se sauver après un accident. Mais souvent, il y a des raisons d'alcool ou de choses comme ça qui font que le monde se sauve, là, ou la panique de Oh mon Dieu, je sais pas quoi faire. Ouais, Mais. je te dirais que plus souvent, ce qu'on va constater, c'est la panique et la tierce partie qui n'a pas d'assurance. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même une loi au Québec d'avoir de l'assurance, au moins responsabilité civile sur son véhicule. Mais puis tu sais, Luc, il ne faut pas oublier que un délit de fuite, c'est un acte criminel. Oui, c'est clair. Donc, vous causez des dommages, que ce soit physique, corporel ou matériel, vous pourriez être poursuivi par la cour en justice pour ça, parce que c'est un acte criminel. Vous perdez sur votre permis de conduire en passant pour un délit de fuite 9 points de démérite en partant. OK. On a quoi maintenant? 12, je pense? Non, on a 12? droit à 15, 12, 15? c'est dans la situation où on a un jeune conducteur. Bien. Là, tu me prends un petit peu par défaut Non, c'est pour les beau, c'est normes, beau. mais on a quand même droit à 15, mais tu sais, 9, on parle à ce moment-là de l'augmentation du permis, l'immatriculation et tout ce qui va avec. Oh Donc, autant comme victime que comme responsable du délit de fuite, c'est jamais plaisant, bien entendu. ouais. Non, ça handicap pour le futur. Si par malheur tu pognes une contravention pour la vitesse, quelque chose comme ça, ben ça descend vite après ça. Fait que oui, c'est pas. Puis c'est pas non plus, je veux dire, côté éthique, le côté être bon citoyen, mettons que c'est pas acceptable non plus, là, t'sais. Exactement. Comme je vous dis, on peut des fois penser que personne ne nous a vus, mais il s'agit que quelqu'un soit témoin de ce que vous faites. On ne parle pas de grand-chose, hein. On accroche un véhicule dans un aire de stationnement, puis quelqu'un vous a vu, on peut le déclarer à la police, puis à partir de là, bien, votre numéro de plaque est fiché, puis vous êtes recherché. Ouais, puis la plupart des commerces maintenant, ou la plupart des grands axes ont des caméras de surveillance ou quelque chose comme ça. Ou C'est, à un moment donné, vous êtes mieux de prendre vos responsabilités. Si vous, vous accrochez quelqu'un, ben prenez vos responsabilités. Au moins, laissez une note. Si vous êtes pressé, puis là, ben vous voyez bien que la personne dans un stationnement ou au cinéma, vous, vous pouvez partir. La personne peut venir d'arriver, puis ça ne vous tente pas d'attendre 2 heures et demie que le film finisse pour que la personne ressorte. Au moins, laissez vos coordonnées. Tu sais quoi, j'ai parlé avec un policier de la ville de Montréal dernièrement. Ce qu'il me disait, c'est que la meilleure chose à faire dans une situation où on frappe quelqu'un, parce que bon, comme tu le mentionnais tantôt, on laisse la petite étiquette ou la petite carte dans la fenêtre, ça peut s'envoler et tout ça. La meilleure chose à faire, c'est d'aller vous-même déclarer au poste de police, écoute, j'ai accroché tel véhicule à tel endroit, voici le numéro de plaque. Donc, ce que les policiers vont faire, c'est de rejoindre le propriétaire du véhicule en disant, vous avez été victime d'une collision. Par contre, le tiers s'est rapporté, c'est identifié. Okay. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ça va éviter aussi tout soupçon de délit de fuite. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une méchante idée. Je n'aurais pas pensé à celle-là. Oui, ouais, c'est arrivé à un de mes clients. Puis, il était très content parce que ça s'est terminé en accident non responsable selon la convention. Puis, donc, il n'y a pas eu de franchise à payer. Le règlement de sinistre s'est fait facilement. Le véhicule s'est fait réparer. Puis, ça n'a pas affecté son dossier d'une manière importante. Ouais, c'est merveilleux. Donc, Benoît, on finit là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre pour bon, des questions d'assurance, quelque chose comme ça, comment est-ce qu'ils font? Écoute, Luc, numéro de téléphone, le 1-888-871-2520, poste 378, partout à travers le Québec. Et maintenant, via mon site web, le assurexpertcampo.ca. Mes coordonnées y sont, puis même, on a un petit endroit où on peut laisser ses coordonnées, puis je vous rappelle ou je vous réécris au moment qui vous convient. Super, merci Benoît. Ça fait plaisir, Luc. À la prochaine, bye. Salut. Alors nous, on va faire une petite pause, puis on revient tout de suite avec Marc et les nouvelles. Alors, nous sommes de retour, Marc, et après ce petit volet assurance, c'est l'heure des nouvelles. On a quelques petites choses cette semaine, dont Mazda qui nous présente une Mazda 3 rafraîchie. Oui, rafraîchie, ça c'est quand on est très poli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grande différence. On a effectivement présenté la nouvelle Accela. L'Accela, c'est le nom de la Mazda 3 au Japon. C'est celle qu'on aura chez nous dans quelques mois. Écoute, on a modifié un petit peu la calandre, les phares anti-brouillard. On a mis quelques accents de chrome. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est à l'intérieur, ça n'a pas changé vraiment non plus. On a modifié un peu quelques matériaux, mais c'est tout. Vraiment, du point de vue du look comme tel, il va vraiment falloir avoir les deux voitures une au côté de l'autre pour être en mesure de vraiment déterminer laquelle est laquelle. En revanche, on s'est servi du lancement de la nouvelle Mazda 3 pour relancer aussi ce qu'on a appelé le Skyactiv Vehicle Dynamics. Mm-hmm. Donc, la nouvelle technologie Skyactiv qui va aider à la conduite de l'auto et non pas strictement à la consommation, comme c'était le cas auparavant. Alors, ce que ça veut dire, par exemple, c'est, tu te rappelles qu'on a parlé il n'y a pas tellement longtemps du contrôle vectoriel de Forger. Mm-hmm. Que tu étais allé faire sur une piste. En Californie, c'est ouais. Exactement. Ben c'est la Mazda 3, la nouvelle Mazda 3 est la première voiture à officiellement afficher ce nouveau système-là de série sur tous ses modèles. Donc, ça fait partie d'un ensemble d'améliorations dynamiques que l'on veut faire avec la voiture, qui commence avec la Mazda 3. On nous avait dit que chez nous, ce serait la Mazda 6 qui serait la première à l'amener. Donc, on ne sait pas exactement quand la Mazda 6 renouvelée va arriver chez nous non plus. Donc, dans les faits, là, c'est surtout le Skyactiv Vehicle Dynamics qui faisait la nouvelle cette semaine. Et je pense que c'en est un bon, c'est un bon exemple. Physiquement, là, si vous avez une Mazda 3, ne déprimez pas. Il n'y aura pas beaucoup de nuances au niveau physique, c'est clair. C'est bon. Il y a aussi Hyundai qui a décidé de nous présenter une nouvelle version de sa populaire Elantra. Là. L'Elantra, c'est une voiture qui est quand même assez populaire. Je vois beaucoup de nouvelles Elantra sur la route. On va maintenant avoir le droit à l'Elantra Sport. Ouais, l'Elantra Sport, en fait, qui est la version la plus puissante de l'Elantra qui aura jamais été faite. Un moteur 4 cylindres 1.6 turbo, 200 chevaux, 190 livres-pieds de couple avec une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte automatique à double embrayage 7 rapports. Donc, vraiment un véhicule que l'on dit beaucoup plus dynamique. On a aussi modifié des trucs. Évidemment, physiquement, là, on a changé un petit peu. On a mis des looks aérodynamiques un peu plus, des bas de caisse, des trucs comme ça. Mm-hmm. Ça va paraître. Les jantes aussi sont uniques à l'Elantra Sport, mais c'est pas un changement radical. Là. On n'a pas créé une nouvelle voiture. On a vraiment repris la nouvelle Elantra. En revanche, à l'intérieur, il y aura des sièges sport, bien entendu. Il va y avoir un volant sport avec la partie inférieure qui va être plate. Okay. Au lieu d'être ronde, ça va être plate. Et la vraie trouvaille, à part le moteur, c'est qu'on a modifié les suspensions arrière. On a refait des suspensions multibras qui, nous dit-on, devraient être beaucoup plus dynamiques en conduite, permettre donc d'avoir un meilleur comportement routier. Ce qui est intéressant pour un véhicule qui, somme toute, arrive avec 200 chevaux, quand même, là, il faut être capable de supporter ça. Oui, c'est quand même bien, mais c'est un moteur qui est utilisé un peu à toutes les sauces. C'est pas le même moteur que dans la Veloster Turbo. Oui, effectivement, c'est le même moteur. C'est la même puissance, ces choses-là. Là. Fait que c'est exactement. Chose non, c'est pas, on n'a pas réinventé la roue, mais pour l'Elantra, c'est une primeur parce qu'on arrive vraiment à quelque chose d'assez dynamique, je te dirais. Oui, puis c'est une excellente voiture. Fait qu'avoir un petit peu plus de puissance, il n'y a rien contre ça. On ne s'en plaindra pas, effectivement. Pas du tout. Il y a aussi Tesla qui a présenté une nouvelle version du Model X, une version plus entrée de gamme. Oui, la version, la 60D. Comme tu le sais, chez Tesla, ce que l'on fait, c'est que on nomme les voitures en fonction de la grosseur de leur batterie. Mm-hmm. Alors donc, la 60D, t'en doute, c'est une voiture qui aura une batterie de 60 kW. Autonomie, dit-on, de 320 km à peu près, 0-100 en 6,1 secondes, avec le rouage intégral, bien entendu. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose, tu sais, je pense que, bon, ça, c'est normal. L'idée, en fait, c'est qu'on voulait réduire le coût d'achat, surtout. On a réussi en baissant ça à 74 000 $ US, ce qui est soit à peu près 81 300 $ chez nous, ouais, après les incitatifs financiers. Donc, ça fait quand même un modèle X qui est plus intéressant. Mais ça va faire que les gens qui se magasinent une Tesla S peuvent peut-être aller chercher un X à la place parce que là, les modèles vont se croiser dans les prix, là, ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. La particularité, comme d'habitude chez Tesla, c'est que on ne fait plus de petits blocs de batterie. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bloc de batterie et on triche avec un logiciel pour limiter ce qui ressort de la batterie, la puissance qui ressort de la batterie. Donc, on a exactement le même bloc batterie que sur la 75D, mais qu'on a limité à 60. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que si tu es prêt à mettre 5 000 $ de plus en option, tu es capable, en cours de vie de ta voiture, de faire reprogrammer tout ça et d'avoir accès à une 75D pour une somme qui devrait être subséquente. On ne sait pas encore combien. On verra ce que ça va donner. Mais oui, tu pourras le faire. Il fallait que Tesla fasse quelque chose cette semaine parce qu'ils sont vraiment dans la chenoute. Ouais. Jusqu'aux yeux et même un peu plus haut. Ouais. Parce qu'ils sont... Écoute, bon, on a parlé là, du premier accident mortel qui a eu lieu avec l'autopilote au début du mois de mai. Ouais. Ça a été sorti seulement au début de juin, cependant. Donc, évidemment, on a commencé par faire une première enquête. Depuis cette date-là, il y a deux autres incidents qui ont été associés directement avec l'autopilote, même si Tesla refuse de le faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un incident en Pennsylvanie, il y en a un autre, bon, l'endroit m'échappe, là, en Illinois, de mémoire. Et dans ce cas-là, c'était effectivement des Model X qui roulaient et qui ont heurté le garde-fou en pleine autoroute. Okay. Dont un a fait des tonneaux, donc évidemment, c'est assez traumatisant. Dans les deux cas, on dit que l'autopilote est en cause. Donc, la NHTSA est totalement en train de faire une enquête là-dessus. Mais ce n'est que la première enquête sur Tesla. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a une autre qui est en cours, et celle-là, elle pourrait être un peu plus sérieuse. Ça s'appelle le US Securities and Exchange Commission. Dans le fond, ce que c'est l'organisme chargé d'étudier les relations entre les compagnies publiques et leurs investisseurs. Okay. Or, on accuse Tesla de ne pas avoir averti les investisseurs de la présence d'un incident de cette nature-là. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que M. Musk a vendu des actions au mois de mai, mm-hmm, au moment où il savait qu'il y avait eu un incident lié avec sa voiture. Mais ce qui se passe, c'est que comme M. Musk avait oublié, lui dit qu'il n'était pas obligé d'aviser ses investisseurs parce que ce n'était pas une considération. En tout cas, il y a des termes, là, je veux pas me lancer dans l'interprétation légale de tout ça, mais le SEC les a placés sous enquête dans ce cadre-là. Donc, ça risque de devenir considérablement compliqué pour nos amis de chez Tesla là, qui ont de la misère. Et si on continue dans la même veine, on sait qu'il y a un Tesla Model X qui a été livré au Québec, entre autres, à un propriétaire de la région de Trois-Rivières. Ce propriétaire-là, après 1800 km, est obligé d'envoyer son modèle X sur une remorqueuse parce que son moteur arrière ne fonctionnait plus. Ouais, mais c'est là, lui, faut c'est lui-même juste. qui l'a publié. Ouais, il faut juste dire au moins que le service à la clientèle de Tesla est assez exceptionnel, là. Oui, Ils l'ont très, mais très bien n'empêche qu'après. supporté, mais oui, c'est. N'empêche qu'après, ben, objectivement, probablement que si j'avais une Porsche à 150 000 piastres, que le service de Porsche serait tout aussi exceptionnel, là. Ouais, probablement. T'sais, j'ai juste trouvé que, en fait, donc, c'est parce que, pourquoi j'en parle? Parce qu'il n'est pas le premier à avoir ce genre de problème-là. Quand on fait le tour aux États-Unis, on a dénombré une bonne centaine de véhicules qui avaient le même genre de problème avec le moteur arrière. Donc, c'est la troisième enquête pour laquelle on commence à regarder chez Tesla, c'est la fiabilité. Donc, on est vraiment un petit peu dans le trouble, là, mais Monsieur Musk nous a tweeté qu'il était pour présenter son plan ultra secret au cours des prochains jours, puis ça devrait détourner l'attention un peu. Ça devrait faire plaisir à pas mal de monde. Ben, j'ai hâte d'avoir ça. T'sais, Tesla, faut se dire, Tesla, c'est encore un start-up, là. C'est encore une compagnie qui débute, puis t'sais, ils vont jouer contre des compagnies qui font des voitures depuis 100 ans, là, t'sais. Fait qu'ils ont développé une expérience. Eux autres, ils développent leur expérience en s'en allant, t'sais. Puis ce qu'ils ont fait à date, c'est quand même exceptionnel, mais tu peux pas demander à une compagnie comme ça d'être parfaite non plus. Donc, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. C'est parce que la seule chose, c'est que t'as comme deux camps, Tesla. T'as du monde qui veulent détruire Tesla pour n'importe quelle raison, aussitôt qu'il arrive quelque chose. Puis t'as des gens qui sont prêts à excuser n'importe quelle crochitude ou n'importe quelle affaire qui peut arriver chez Tesla parce que c'est Tesla. Puis oh mon Dieu, c'est tellement, tu sais, c'est presque Ça. divin, là. Fait Mais que. tu vois, moi, mon problème, par contre, je suis obligé de te dire que c'est vrai ce que tu dis, sauf qu'il n'y a rien qui t'empêche de t'associer avec des gens qui les ont, qui connaissent ces problèmes-là, Ouais. qui les ont vécus ailleurs et qui peuvent les aider, là. Donc, moi, je pense, en tout cas, je pense qu'il y a moyen de s'organiser. Mais bon, évidemment, tu as raison et ça, je leur donne le fait qu'ils ont fait évoluer considérablement l'industrie automobile, par leur façon de faire. Alors, je pense que c'est une bonne chose, mais faites attention, si vous avez de l'argent à investir, c'est peut-être pas le bon temps pour acheter des actions Tesla, là. Ou c'est peut-être le bon temps s'ils descendent. C'est peut-être le bon Si temps d'en tu acheter. ouais, si tu veux, objectivement, si tu as les moyens d'attendre quelques années qu'ils remontent, là. C'est ça. Ben, on verra. Il y a aussi, marque Volkswagen, on avait parlé que leur plan pour les moteurs 4 cylindres de TDI avait été accepté, tout ça, puis il allait y avoir des remboursements. On attend toujours la résolution au Canada, mais aux États-Unis, c'est lancé. Bon, ben là, ils se sont fait dire que pour les moteurs 6 cylindres, ça sera pas si facile. Non, effectivement, les moteurs 6 cylindres 3 litres qui sont aussi affectés par le fameux logiciel truqué, ils avaient proposé une solution, ça a été refusé par la même cour de San Francisco qui avait autorisé, pas la cour, mais par le même organisme à San Francisco, le California Air Resources Board, le CARB, qui avait autorisé la première démarche. Mais là, ils viennent de refuser ça. Évidemment, ça a pas mal moins d'impact, faut le dire, parce que aux États-Unis, là, c'est 16 000 véhicules. OK, c'est pas Alors que beaucoup. dans le cas du 2 litres, on parlait plutôt de 500 000. Ouais. C'est un peu moins, ça a pas mal moins d'impact, mais évidemment, Volkswagen va devoir refaire ses devoirs là, et voir de quelle façon ils vont pouvoir régler la chose. C'est bon. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te lire, te rejoindre, comment font-ils? Bon, écoute, la meilleure solution, c'est encore sur Facebook, Marc Bouchard, ou sur Twitter, Marc Soulier Bouchard. Ou encore sur les sites de Netmédia 360, Écolo Auto, Auto Féminin, VUS Mag et Luxury Car Magazine sont les endroits où j'écris le plus souvent. Parfait. Il y a aussi notre adresse courriel qui est info@saroulradio.com où moi et Marc recevons les courriels. Moi, sur Twitter, c'est @Ascalazormo. Il y a la page Facebook de Ça Roule Radio que vous pouvez aller nous donner un petit j'aime et nous poser des questions. On répond assez rapidement selon Facebook. C'est quand même pas si pire. Il y a aussi la compte Twitter de Ça Roule Radio qui est le Ça Roule Radio. Et pour moi, vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca. Dans la section véhicules, vous pouvez nous écouter à travers iTunes, Google Play. On est aussi sur sportradio.ca, on est sur Radio H2O, puis on est aussi sur Radio Highway. Donc, plein de places où vous pouvez nous écouter si vous voulez. Il y a notre site, saroulradio.com. Vous pouvez aussi aller écouter les émissions directement sur le site si ça vous chante. Donc là-dessus, Marc, un autre gros merci d'avoir fait cette émission avec moi. Ben écoute, t'as pas de remerciements. Puis écoute, on se revoit la semaine prochaine, mon cher. On va avoir encore plein de choses à discuter, j'en suis sûr. Oui, monsieur. Alors, pour les auditeurs, ben, bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.